Les filles cherchent des mecs, des filles pour aller en discothèque, et les jeunes qui fument, moi je bois. Des filles cherchent des mecs, des filles pour aller en discothèque, et les jeunes qui fument, moi je bois. Moi non plus j'ai rien à faire, ce soir tout le monde dort. Moi non plus j'ai rien à faire, ce soir tout le monde est mort. Mon ex cherche la bite, mon ex cherche du shit. Mes potes sont en train de dessouler, la vie n'arrête plus de me saouler. Mon ex cherche ma bite, mon ex cherche du shit. Mes potes sont en train de dessouler, la vie n'arrête plus de me saouler. Qui cherche ma bouche qui cherche une autre qui refuse ma bouche, jamais je n'en trouverai d'autre. Lucie qui cherche ma bouche qui cherche une autre qui refuse ma bouche, jamais je n'en trouverai d'autre. Sans dessus dessous, je me sens tout mou. Le café sans dessus dessous, je me sens tout mou.